c'est le pantoufle dans ta gueule. Tout à fait. Alors aujourd'hui, je vais envoyer une pantoufle dans la gueule d'un réalisateur que j'aime beaucoup, mais malheureusement qui rate un film sur deux. On ne sait pas pourquoi. Alors, c'est parti. Requiem for a Dream nous offre une morale absolument exquise et nuancée, à savoir, la drogue, c'est mal. Voilà, c'est à peu près le résumé de ce film creux et très simpliste. 2 heures de montage épileptique pour nous présenter, en fin de compte, un clip de sensibilisation aux méfaits de la drogue. Donc si c'est pour avoir une morale démago, je pouvais tout simplement regarder un film de Ken Loach. Il nous livre ici une réalisation grotesque, entre gros plans anatomiques et répétitifs qui cassent le rythme et recyclage culotté de ses pépites de mise en scène de son précédent film. Il abuse des effets de style qui bouffe la présence et le charisme de ses comédiens. D'ailleurs, les comédiens sont excellents, mais les personnages sont flous. On ne connaît rien d'eux. En revanche, on sait que les drogués, ça manque d'argent et ça deal. C'est tellement manichéen que sur 4 personnages qui représentent les 4 différentes addictions et leurs conséquences, aucun ne s'en sort. Spoiler, absolument aucun. Apparemment, aucune solution n'est possible, aucun espoir. On est face à une vision étriquée et caricaturale. Ce film ne nous laisse aucun espace pour réfléchir. Il nous impose son opinion prémâchée, sa propre vision. Et voilà, j'en avais encore plein, j'avais 15 minutes à dire sur ce film. Et oui, mais Léane, tu n'as qu'une minute pour démolir chaque semaine un grand classique. Voilà, encore des amis pour la semaine prochaine.